الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، revenons avant de revenir. Il était prévu et programmé que tout de suite on ait une séance de questions-réponses. Ces questions ont été envoyées sur la boîte mail des responsables de la mosquée, mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, on n'a pas pu finir nos cours à temps. Donc ce n'est pas la faute des responsables, c'est la mienne et celle de Bouzé, dites-vous lui. C'est caché. Taïb. Ala kulli hal, on s'excuse de ce contretemps, mais sachez que les questions sont toujours. On les a lues ensemble d'ailleurs. On les a lues ensemble. Donc on va, Inch'Allah, préparer les réponses en fonction des livres et des paroles de savants qu'on a. Et celles qui nécessitent des recherches plus poussées, comme appeler les savants directement, on le fera bi'idhnillah. On vous demande juste de patienter. Et bi'idhnillah, vous retrouverez les réponses dans vos boîtes mail respectives, vu qu'on a les boîtes mail, parce que vous nous avez envoyé avec vos propres boîtes mail. Donc bi'idhnillah, vous recevrez les réponses à vos questions, incha'Allah, dans vos boîtes mail, accompagnées bien entendu des références des grands savants. Donc on a vu que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était un très grand savant. C'était un muhaddith, un faqih, qui connaissait sur le bout des doigts le madhhab hanbali et bien entendu les autres madhhab. Il était très accroché au madhhab hanbali, mais il savait ne pas le suivre lorsque il contredisait le dalil. C'est ça le alim al-mujtahid. Mujtahid, c'est celui qui connaît la mas'ala, les paroles des savants, leurs divergences, les preuves que chacun amène et qui est capable de déterminer laquelle de ces paroles est la plus juste. هذا هو المجتهد وكان سماحة الوالد رحمة الله عليه مجتهدا بل فذا من أفذاذ هذه الأمة رحمه الله. Et wallah, il avait une aisance à répondre lorsqu'on lui posait des questions impressionnantes. Et pourtant, yarhamukallah, pourtant malgré ça, il n'avait aucune gêne à dire devant des milliers de personnes, la adri, je ne sais pas. Ou bien des fois il disait, هذه المسألة تحتاج إلى بحث. Cette question nécessite une recherche. Une question que si on la pose à un tout petit talab ilm, il ne va pas perdre deux secondes avant d'y répondre. Et wallahi, comme on l'a dit, Samahat al-Walid, Shaykhuna ibn Baz, rahmatullahi alayhi, kana murabbiya, était quelqu'un qui éduquait à travers ses immenses qualités, ses nombreuses qualités. Innombrables. Ah, خلال صفاته المحمودة التي لا تكاد تحصى ولا تعد. Ya Allah, qu'est-ce qu'il y a? Je plaisante. Ala kulli hal, il n'avait aucun mal à dire je ne sais pas. Et toi, des fois, on te pose une question, on dirait c'est impossible de dire je ne sais pas. Ou bien des fois, tu t'empresses de répondre. Alors que les immenses savants disaient, on a besoin de 3-4 jours pour réfléchir à cette question et pour faire une recherche. Ça nous apprend quoi? Ya akhi, n'oublie pas ta valeur. Comme il dit Salaf, rahmatullahi alayhim, rahimallahu rajulan, arafa qadra nafsi. Qu'Allah se fasse miséricorde à un homme qui connaît sa propre valeur. Talib ilm al-Mubtadi, il ne parle pas, il dit rien du tout, il se tait. Il étudie. Ne dit rien. Et ça, on a ce problème ici. N'importe qui vient et il parle. Non, Akhi, Cheikh, il a dit ça. Cheikh, il a dit ça. Il ne connaît même pas de dalil. Un pur muqallid. Et comme il disait Ibn Abdelbar, rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi ala anna al muqallida laysa alima. Les savants sont unanimes pour dire que le muqallid, l'imitateur, n'est pas un savant. Et quand vous regardez dans les livres qui nous expliquent al-marahil, fi talab al-ilm, les étapes à suivre dans l'apprentissage de la science, ils nous disent que le muqallid, il n'a même pas le droit de parler, vu qu'il n'a pas de dalil avec lui. T'as pas de dalil. Il va me dire quoi ? Ouais, mais Cheikh, il a dit, taïb, ma dalil ou Cheikh ? Je sais pas. Alors pourquoi tu veux me l'imposer, subhanallah ? L'imam Ahmed, rahimahullah, il disait, la yanbaghi lil faqih an yuhammil an-nasa ala ra'yih. Il ne convient pas au faqih d'imposer aux gens son avis. Au faqih. Et le faqih, il vient, il ramène les adilla. Il dit, قال فلان واستدل بقوله تعالى أو بحديث صحيح رواه كذا وكذا أو فلان إلى آخره. Il te ramène les adilla. Et ben, il n'a pas le droit d'imposer son avis aux gens quand il sait qu'il y a une divergence. Toi, tu ne connais même pas l'adilla, tu es un muqallid. Moi, je n'ai pas peur d'employer ces mots parce que nous, on a trop tendance à faire un amalgame dans l'istilah. Tu n'as pas remarqué ? Quand on veut parler des frères comme nous, on dit, il y a des frères. Et il y a les autres. Quoi, c'est pas tes frères les autres ? Tout ça, c'est tes frères, oulala. Voilà, ça, c'est des stylahat khatir, là. Moi, ils me font peur, ces terminologies. J'étais dans une mosquée, il n'y avait pas de frères. Il n'y avait personne. Si, il y avait des gens, mais il n'y avait pas de frères. Quoi, c'était pas des musulmans, les gens qui étaient dans la mosquée ? Il fait si, bah alors c'est tes frères, subhanallah. Innama al-mu'minuna ikhwa, oulala. Al-mu'minu akhu al-mu'min, la yadhlimuh, wa la yahqiruh, wa la yakhdhuluh. Al-hadith. Non ? Ou sinon, t'entends les frères, ils disent quoi ? Ah, mais c'est des awam. Akhi, barakallahu fik. Donne-moi l'autre catégorie à part les awam. Qui me la donne ici, là ? Comment on les appelle ? On les appelle al-khawas. Al-khawas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'élite. C'est qui l'élite ? C'est trois catégories de personnes. Al-hukam, al-ulama, wa talabatul ilm. Soit min al-khawas, soit min al-awam. Et le fait que tu sois ani à l'istiqama, le fait que tu suives plus la sunna que les autres dans ton libas ou dans tes mu'amalat, ne te sort pas des awam. Tu es un ami. Je suis un ami et tu es un ami. On est tous des awam. Naam. Alors qu'on arrête ces amalgames dans ces istilahat. Il y a des frères. Non, c'est pas des frères. Mais c'est quoi ? Moi, je suis un kafar ou quoi ? C'est chaud là. C'est pas ton frère. Allah dans le Coran, il a dit dans surat Tauba, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ish fa ikhwanukum fi ad-din. Ya Allah. Ça veut dire que si tu dis c'est pas tes frères, bah t'as compris toi-même. J'étais dans une mosquée, il n'y avait pas de frères. Wallah, des fois je comprends. C'était une mosquée avec quoi ? Avec des ubad al-asnam ou il y avait quoi dans cette mosquée là ? Taïb. Et c'est des awam. Voilà des frères, ils disent des fois c'est des awam. Je reste perplexe. Ou en bon français, pantois. Taïb. Et qu'on arrête de dire n'importe quoi dans nos mots. Soit t'as un talib ilm, tu t'étudies al-mas'ala bidaliliha. Soit tu te tais, tais-toi. Qu'on apprenne le silence. Ibn Abi Dunya, rahimahullah, il a écrit un kitab, il a appelé kitab al-samt, il est gros comme ça. Le livre du silence. Le Cheikh Salman, un des grands élèves de Cheikh Al-Bani, il a fait un tahqiq sur ce livre-là. Un livre que je conseille à tout le monde. Quand tu le lis, t'as envie de parler avec les mains, de devenir sourd-muet. Tellement t'as peur de parler avec cette langue. Et nous, qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtises, mes frères, wallah ? Taïb. Cheikh Ibn Baz, rahmallah, mujtahid. Ya'arifu al-masail al-adida. Il connaît de nombreuses questions qui ont été répondues par les savants. Il connaît leurs preuves. Il connaît la divergence des savants. C'était un grammairien, un linguiste. Ses fils nous rapportent qu'il ne parlait que très rarement en amiya. C'était très rare d'entendre Cheikh Ibn Baz ne pas parler en arabe littéraire. Un linguiste, un grammairien, un historien, un muhaddith, un jurisconsulte, un mufassir, un exégète et d'autres. Et pourtant, il arrive, il regarde les gens, il dit, enfin, on lui pose une question, il reste silencieux un moment, il dit quoi ? La adri. La adri. Ou comme aqil, man qala la adri. طيب هذه علمه الله ما لا يدري او احدى اخرى او احدى اخرى فقد افتى ce qui dit je ne sais pas il a fait خلاص il a fait le fatwa عرف قدر نفسه ومن قال الله اعلم اورثه الله علم ما لم يعلم celui qui dit je ne sais pas Allah lui donnera la science de ce qu'il ne sait pas. طيب mes frères, on l'a vu à peu près la journée que Cheikh Ibn Baz rahmoullah il avait. Les allers-retours entre la mosquée et la maison, le temps qu'il consacrait aux gens, et ses nombreuses fonctions et postes qu'il occupait, ici et là. Président de telle association, de tel corps, de tel comité, membre d'un corps, membre d'un groupe, membre de ci. Il a son propre bureau, donne des muhadarat, il est même d'une mosquée, il fait khutab al-jumu'ah, et j'en passe. Il a donné son temps à Allah Azza wa Jalla. Il aurait pu être à la retraite, mais il a préféré rester à travailler jour pour jour au service des musulmans et de l'islam. Il était un exemple vivant de cette science qu'il portait. Et celui qui applique la science qu'Allah il lui donne, ben Allah Azza wa Jalla il l'aime. Allah il donne, pourquoi il donne le hadith, Allah il donne le hadith al-Qudusi. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Dans notre hadith, pourquoi il dit alayhi sallatu wa sallam, إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونهم أو فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض. Lorsqu'Allah aime un de ses serviteurs, il appelle Jibril عليه السلام, il lui dit يا جبريل, j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril s'exécute et il aime cette personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min man yuhibbuhum. Ensuite Jibril alayhi salam, il descend dans les cieux et il appelle les habitants des cieux et il leur dit, ô vous habitants des cieux, Allah jalla wa ala aime un tel, alors aimez-le. Et les anges s'exécutent, et voici qu'ils l'aiment tous. Ya lahu min fadl, ya lahu min sharafin azim. An yuhibbaka Allah, wa an yuhibbaka malaikatuhu al-muqarrabun. Wa laysa thalika, aw la yaqtasiru l'amru ala thalik. Ça ne s'arrête pas là. Et les anges se répandent sur terre et transmettent cet amour envers cette personne aux gens jusqu'à ce qu'elle soit acceptée et aimée par tout le monde. وكان سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله يحبه الجميع. C'était impressionnant à quel point les gens ils l'aimaient. Et c'était impressionnant à quel point où que tu ailles, que ce soit un homme ou une femme, un enfant ou un vieillard, ils connaissaient tous Cheikh Ibn Baz et ils l'aimaient tous. Et ils l'aimaient tous. Parce qu'il était un exemple pour les autres dans sa foi, dans sa science, dans son courage, dans sa persévérance, dans sa générosité, dans sa patience et dans le souci qu'il avait pour sa communauté. Comment, après tout ceci, ne pas être aimé par tout le monde? On a de nombreux exemples qui nous prouvent à quel point Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il était aimé des gens. Un de ses élèves, il nous dit qu'ils ont été en Afrique pour faire ad-da'wa in Allah. Ils ont été dans un pays d'Afrique centrale. Ils étaient dans un village. Et ils marchaient donc dans ce village. Ils ont rencontré une vieille femme africaine qui les avait habillés en saoudien. Alors elle leur a dit, de quel pays êtes-vous? Bien sûr, à travers le traducteur, ils ont répondu, nous sommes d'Arabie Saoudite. Alors elle leur a dit, vous passerez mon salam à Cheikh Ibn Baz. Naam. Et ça, c'est une réplique que l'on fait à nos frères qui osent dire que nos grands savants ne font pas de da'wa ilallah. Ceux-là qui prétendent faire da'wa, mais on ne fait pas da'wa avec de l'ignorance. Et nos grands savants des montagnes dans la science qui n'ont jamais quitté l'Arabie Saoudite, leur nom et leur science a traversé les frontières à un point où ils étaient même connus des petites gens dans les petits villages des plus lointaines contrées. On les entend, ils nous disent quoi? Ils font vos savants, ils font pas de da'wa. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kadhiba. Quelle grande parole qui sort de leur bouche, ils ne font que dire des mensonges. Wallahi, si nos savants ne font pas de da'wa, personne ne fait da'wa. Encore moins vous, qui n'avez rien des conditions qu'il faut avoir pour être un prêcheur. Parmi les autres anecdotes qui nous prouvent à quel point Samahatul Walid rahmatullahi alayhi était très aimé des gens, cette histoire que Cheikh Sadhan hafidhahullah nous raconte, il avait cette opportunité de rester avec Cheikh Ibn Baz seul. Et une fois, il lui a dit, « Ya Cheikh, j'ai une question. » Il a dit, « Cheikh, les gens, où qu'on aille, et quel qu'ils soient, lorsqu'on leur demande leur avis sur toi, tu les vois te déclarer et te manifester un amour sans pareil. Quel est ce secret? Qu'est-ce que tu as fait pour que les gens t'aiment autant ?» Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, avec sa modestie légendaire, il a dit, « Wallah, on n'est rien. On a plein de péchés, on a plein de problèmes, on a plein de défauts. » Mais Cheikh Abdelaziz Sadhan, il a insisté. Il a dit, « Non, Cheikh, il y a quelque chose. Il y a forcément une chose qui a fait que les gens ils t'aiment autant. » Alors, à force d'insister, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a répondu, « Il n'y a pas une nuit où je vais pour me coucher sans que j'ai le cœur pur et sain à l'égard des musulmans, et que je n'ai dans mon cœur aucune envie ou jalousie ou rancœur ou rancune envers quiconque parmi les musulmans. » Et il a rajouté, il y a aussi autre chose, dès que je sais que deux musulmans sont en conflit, je fais tout ce que je peux pour les réconcilier. Chauf imamak. Regarde. Regarde comment il était. Aucune haine, aucune rancœur, aucune animosité, aucune méprise, aucune colère. Et wallahi, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il connaissait mieux que moi et que toi les innovations qui étaient faites par les musulmans. Il connaissait mieux que moi et que toi les problèmes que connaissent la Oumma. Mais lui, il ne réfléchissait pas avec son cœur. Il réfléchissait avec la science qu'Allah lui avait donnée. Et il savait faire l'amalgame, pardon, la part des choses entre ces points-ci. C'est comme l'histoire qu'Ibn al-Qayyim nous rapporte sur Ibn Taymiyyah, rahimallah, Ibn Makhlouf. Wallahi, quand vous lisez dans les histoires des savants, on se dit, mais wallahi, il y a deux planètes sur lesquelles on est sur deux planètes différentes. Ibn Makhlouf était quelqu'un qui était muta'assib, un fanatique de l'école Malikia. Quand on dit fanatique, ça veut dire qu'il ne fallait pas lui dire qu'il se trompait. C'est lui qui a raison, il n'y a que son qawl qui compte. En plus de ça, c'était un soufi complet. Cet homme-là, il détestait Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et à de nombreuses reprises, il a tenté de le faire mettre en prison et il y a même réussi. Mais pendant un des séjours d'Ibn Taymiyyah en prison, le gouverneur il a changé et il est sorti. Alors Ibn Makhlouf, il est revenu à l'attaque voir ce nouveau amir et il lui a menti sur Ibn Taymiyyah pour qu'il le fasse remettre en prison aussi. Mais il a failli dans sa tentative. Quelques jours, du moins quelques temps plus tard, voici que ce Ibn Makhlouf meurt. Ibn Qayyim, rahimallah, tout content, il va pour annoncer la nouvelle à Ibn Taymiyyah, son shir. Alors il dit, shir, abshir, abshir, réjouis-toi. Ibn Taymiyyah fait, qu'est-ce qu'il se passe? Il fait, Ibn Makhlouf, il est mort. Ça y est, il t'embêtera plus. Toi, t'aurais fait, c'est bon. T'aurais été content. Il a que ce qu'il mérite, c'est bien fait. Eh bien, c'est pas ce qu'Ibn Taymiyyah, rahimallah, il a fait. Ibn Taymiyyah, rahimallah, il s'est énervé contre Ibn Qayyim. Il lui a dit, est-ce que tu veux que je sois heureux quand tu m'annonces la mort d'un musulman? Dis-moi où il habite. Il l'a ramené chez lui et il a frappé à la porte d'Ibn Makhlouf et il a rencontré une famille dans le deuil et il a présenté ses condoléances et il leur a dit, dites-moi ce qu'il faisait pour vous, je vais le remplacer. Yallah. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, wa ba'dahu Cheikh al-Islam, Ibn Baz, rahmatullahi alayhim ajma'in. Il n'y a pas une nuit où Cheikh Ibn Baz allait dormir sans que son cœur soit propre et nettoyé et purifié de tout ce qu'on peut avoir comme mauvais sentiment envers son frère musulman. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Il y a dans leurs histoires des leçons pour les doigts d'intelligence. Allahumma sayyiban nafi'a. Cheikh rahimahullah, lorsqu'il était à Riyad et qu'il était professeur dans une des écoles de Riyad ainsi que juge, il a été donc, comme on l'a dit tout à l'heure, nommé en tant qu'associé ou du moins comme vice-président de l'université de Médine. Et le jour de son départ à Médine, il a fait l'asr dans la mosquée où il priait d'habitude et les gens se sont réunis autour de lui et il lui faisait leurs adieux. Ils se sont tous mis à pleurer énormément. Et cette histoire-là, elle est mutawatira. Elle a atteint un degré de notoriété immense. Les gens se sont réunis autour d'Ibn Baz. On aurait dit qu'il allait changer de pays alors qu'il allait juste aller à Médine. Et ils le prenèrent dans leurs bras. Et ils l'embrassaient la tête et les mains. Et ils pleuraient de chaudes larmes, tellement ils étaient tristes d'être séparés de Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, comme on le cite souvent, kana raqiq al-qalb sari' al-dam'a. Il avait le cœur tendre et il avait la larme rapide. Wa ma malaka nafsah hatta salat hadhihi al-'abarat 'ala khaddayhi rahmatullah 'alayhi. Il n'a pu se retenir jusqu'à ce que ses larmes se mirent à couler sur ses joues, et qu'ils se mirent à pleurer tous ensemble. Un mashhad azim. Seulement parce qu'il allait aller à Médine. Maintenant, venons, on parle ensemble des qualités de notre cheikh. Celles qui ont fait qu'il soit aimé ainsi parmi les gens. Parmi ses grandes qualités, sa générosité et son hospitalité. Et les gens, ils l'appelaient Hatim al-Ta'i min Asrina. Pour ceux qui ne connaissent pas Hatim al-Ta'i, c'est un arabe qui a vécu avant l'islam, mais qui était connu pour être le plus généreux des gens. Lorsque sa femme lui ramenait à manger, il lui disait, je ne me laverai pas les mains et je ne mettrai pas ma main dans le plat tant que tu ne m'auras pas ramené un pauvre qui partagera son plat avec moi, ce plat avec moi. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il n'a quasiment jamais mangé tout seul. Toujours, il demandait à ce que des gens viennent manger avec lui, notamment les pauvres. Il aimait les pauvres et il aimait rester avec eux. Comme un frère, il nous a informé. Ce frère-là, il a eu le privilège de rester quelques années avec Cheikh. Lorsqu'il y avait du monde, il le prenait par la main et lui disait, ramène-moi à l'endroit où il y a les pauvres, je veux manger avec eux. Ramène-moi à l'endroit où il y a les pauvres, je viens manger avec eux. Parce que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il connaissait ce hadith, le prophète, il invoquait Allah en disant, Allahumma inni as'aluka hubba as'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin. Et Allah, je te demande le moyen de faire le bien et de délaisser le mal, et je te demande l'amour envers les pauvres. Dans notre hadith, le prophète disait alayhi salatu wasalam, ala tunsaruna illa bi du'afaikum wa fuqara'ikum. Vous n'allez être secourus que par la cause de vos faibles et de vos pauvres. Qala ta'ala wa amma as-sa'ila fala tanhar. Quant à celui qui demande, ne le repousse pas. Mes frères, si quelqu'un est mendiant, ne le repoussez jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non. Comme il disait Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان لا يعرف لا إلا في تشهده. Il ne connaissait là, non, que quand il disait la ilaha illallah. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est comme ça que ceux qui l'aiment réellement l'ont suivi et ont été aussi. Hein? Cheikh Ibn Baz, comme on l'a dit tout à l'heure, rahmatullahi alayhi, sa porte, elle n'était jamais fermée. Elle n'était jamais fermée. Il était toujours au service des musulmans, comme on l'a dit, et on ne cesse de le répéter, pour que ça soit enregistré et compris, et inshallah appliqué. Wallah, il y a des histoires invraisemblables. Si ce n'était notre confiance envers ses rapporteurs, et si ce n'était le nombre de fois élevé de rapports de la même histoire, on aurait pu dire que c'est presque, c'est possible que c'est pas vrai. Parmi ces histoires, on a l'histoire de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Les frères, avancez, barakallahu fikoum, serrez-vous comme vous le pouvez. Allah, il y a des frères debout là-bas qui n'ont pas de place. Parmi ces anecdotes, on va attendre que vous ayez fini de bouger. T'as remarqué, subhanallah, comment la tension, elle est vite fait attirée par quelque chose de futile. Hein, les Arabes disaient « Hissu dhubab yudhibu bil albab ». C'est le bruit de la mouche, il te fait perdre le fil. Maintenant, là, je parle, un frère, il va enlever sa chachia, il va le jeter, tout le monde va gagner la chachia. Ça, et le frère qui fait le dars, on calcule plus. Taille. Il y a une histoire qui s'appelle Ibn Baz wa Sariq al-Ghaz. Ibn Baz est le voleur de gaz. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors, c'est un des élèves de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, qui nous raconte qu'il était à Mecca dans le Masjid al-Haram et qui assistait à un dars de Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. On a posé une question à Cheikh Al-Uthaymin, à laquelle il a répondu en parlant de la vie de Cheikh Ibn Baz. Ensuite, ça c'était après la mort de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin s'est mis à faire les éloges de Cheikh Ibn Baz, car il a été un de ses professeurs. Et comme on l'a dit, on ne peut rester avec Cheikh Ibn Baz sans l'aimer, rahmatullahi alayhi. Alors le talib, l'étudiant qui raconte l'histoire, il dit qu'il a été perturbé par les pleurs d'une personne qui était à sa droite. Et vraiment des sanglots très très forts. Le dars c'est fini. Le talib, il n'a pas pu vaincre sa curiosité. Il a été voir cette personne qui pleurait. Il a vu, d'après son apparence, qu'elle devait être soit pakistanaise, soit afghane. Là, ça ne vous dérange pas là, que je dise ça à son origine. Hein? Soit pakistanaise, soit afghane. Il lui a dit, « Akhi, ma yubkik. » Il dit, « Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Alors, il dit, « C'est quand Cheikh Al-Uthaymin, il nous a parlé de Cheikh Ibn Baz, ça m'a rappelé des souvenirs qui n'ont pu m'empêcher d'être triste. Parce que j'ai une histoire particulière avec Cheikh Ibn Baz. » Alors, Talib lui dit, « Raconte-la-moi. » Alors, il raconte, cet homme-là, il travaillait dans une usine, et sa mère, elle était donc dans son pays natal, elle était malade. Elle avait une maladie qui touchait ses reins. Ou une partie de son corps, je ne sais plus laquelle. À la kulli hal, il a reçu une lettre qui lui informait que sa mère était dans un état critique et qu'il fallait absolument qu'elle fasse une opération. Cette opération s'élevait à un coût de 7000 riyals. Mais lui, il n'avait de côté que 1000 riyals. Alors, il a été voir ses responsables et il a demandé un prêt ou bien une avance sur le salaire pour pouvoir payer à sa mère l'opération. Mais ils ont refusé. Alors, il ne savait pas quoi faire. Comment je vais faire pour pouvoir payer cette opération à ma mère? Si je ne le fais pas, elle risque de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait à la nuit? Il est sorti de l'usine et il a sauté dans la propriété la plus proche qu'il a trouvée. Il pénètre et il avait l'intention de voler les bonbonnes de gaz et les revendre pour pouvoir ramasser de l'argent. Il n'a pas su ce qu'il se passait et voilà que la police arrive et l'emprisonne et le jette et le prenne avec lui. Il se retrouve en prison. وضاقت عليه الأرض بما رحبت. Et c'est comme si, malgré l'étendue de la terre et sa largeur, il était dans un coin tout étroit et tout petit. Et il ne savait plus quoi faire. Sa mère, elle a besoin de lui. Il cherchait, il n'avait pas d'argent. Et maintenant, il se retrouve les mains liées. Un peu plus tard, il y a quelqu'un qui vient le chercher dans sa cellule. Et il le ramène avec lui dans une maison. Il le fait s'asseoir, il lui donne à manger. Il lui dit, mange. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors il mange, et c'est l'heure de la prière. Il dit, viens avec moi. Il le ramène à la mosquée, ils font la prière. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Cheikh Ibn Baz. Lui, il ne le connaissait que de nom. Il ne l'avait jamais vu. Quand il a vu les gens se mettre autour de lui après la prière, et les a entendu l'appeler, il a compris que c'était lui, Cheikh Ibn Baz. Un peu plus tard, voici que Cheikh Ibn Baz, rahimallah, vient vers lui et lui prend la main. Il dit, viens avec moi. Et il l'accompagne jusqu'à chez lui. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme, en accompagnant Cheikh Ibn Baz, il se rend compte qu'il rentre dans la maison où il était rentré pour voler le gaz. Il se dit, oh là là, j'ai pas trouvé une maison à part celle de Cheikh Ibn Baz pour voler du gaz. Cheikh Ibn Baz, rahmallah, il le fait rentrer avec lui. Il s'assoit dans le majlis, à l'assise, où il y a beaucoup de monde. Il s'assoit à côté de lui. Il ramène à manger, du coup, mange. Après, un peu plus tard, Cheikh Ibn Baz, il dit, raconte-moi ton histoire. Pourquoi t'as voulu voler? Alors, il me raconte l'histoire. Ma mère, elle est malade, elle doit faire une opération. J'ai besoin de 7000 riyals. Et personne n'a voulu me les donner. Et voilà, et voilà. Le Cheikh Ibn Baz, rahimallah, lui donne 9000 riyals. Il lui dit, tiens, pour ta mère. Et celui qui raconte l'histoire, il dit, Cheikh, je n'ai besoin que de 7000 riyals. Je vais donner 9000. Il dit, c'est pas grave, ce qui reste, garde-le pour toi. Et faisant ce que tu as besoin de faire. Il est parti dans son pays. Il a payé l'opération. grâce à Allah, sa mère, elle a guéri. Il est revenu, Saoudia, il a été chez Cheikh Ibn Baz. Il leur a mis les 2000 riyals qui restaient. Il lui dit, Cheikh, tiens, la monnaie. Cheikh, il dit, je dis de les garder. Garde-les. Alors, il était tellement impressionné par cette grandeur d'âme et cette générosité qu'il lui a dit, Cheikh, je te demande une faveur. Laisse-moi être à ton service. Laisse-moi être à ton service jusqu'à la fin de tes jours. Et Cheikh, il a accepté. Et cet homme-là est devenu, après qu'il a essayé de le voler, est devenu une des personnes qui aidait Cheikh. L'histoire n'est pas finie. Plus tard, donc, comme il était plus souvent avec Cheikh, il a connu les proches de Cheikh Ibn Baz. Et un jour, un de ses proches, il lui a dit, tu sais comment on a su que tu étais rentré à la maison? Il a dit non. Il a dit, quand tu es rentré dans la maison, Cheikh Ibn Baz, rahmallah, il faisait qiyam al-layl. Il n'y avait personne de réveillé à part lui. Cheikh Ibn Baz, il avait une sonnette spéciale sur laquelle il appuyait quand c'était bientôt l'heure de l'Fajr pour réveiller sa famille, pour faire la prière de Subh. Et comme il a entendu du bruit dans la cour, il a appuyé sur cette sonnette et tout le monde s'est réveillé. Et c'est là qu'il nous a dit à quelqu'un, allez voir qu'est-ce qui se passe. Eux, ils ont été, ils ont vu, ils ont fait la police sans lui dire. Et après, c'est passé ce que vous savez. Plus tard, Cheikh Ibn Baz, il demande à sa famille, alors c'était quoi l'histoire? Ils lui ont raconté un voleur qui est rentré pour voler. Il a dit, vous avez fait quoi? Ils ont dit, on a appelé la police. Il a dit, Allah, il découvre. Wallah, ici, il a volé, c'est que parce qu'il avait une nécessité. Ramenez-le. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Billah alayka. Qu'est-ce que tu aurais fait? Billah alayk ya akhi, qu'est-ce que tu aurais fait? Pose-toi la question. Demande-toi, qu'est-ce que tu aurais fait toi? À sa place. On a aussi une autre histoire dans laquelle Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il a remarqué que dans certaines villes ou certains villages du royaume de l'Arabie Saoudite, il y avait de longues distances dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de mosquées. Alors Cheikh Ibn Baz, il s'est endetté de 100 000 riyals pour construire quelques mosquées ici et là. Al-Malik Faisal, rahimahullah, lorsqu'il a entendu que Cheikh Ibn Baz était endetté pour cela, a préparé la même somme et l'a envoyé à Cheikh Ibn Baz. Lorsque Cheikh Ibn Baz a eu la somme, il dit, c'est quoi ça? Ils lui ont dit, c'est pour ses dettes que tu as contracté afin de pouvoir construire ces mosquées, on les paye à ta place. Cheikh, il a dit, je n'en veux pas. J'ai une maison à Riyad, je vais la vendre 100 000 riyals et avec cet argent-là, je vais rembourser mes dettes. El Malik Faisal, comme il avait l'intention de rembourser les dettes pour la construction des mosquées, il a pris cet argent et il a construit lui aussi une mosquée à Riyad, le Masjid El Malik Faisal, rahmatullah alayhi. On a aussi cette histoire de cette Philippine, une femme des Philippines qui envoie une lettre à Cheikh Ibn Baz. Elle lui dit, ya Cheikh, comme tu le sais, il y a une guerre dans notre pays entre les chrétiens et les musulmans. Mon mari s'est fait attraper, s'est fait torturer et ils l'ont jeté dans un puits. Et je me retrouve veuve et mes enfants orphelins. J'ai demandé autour de moi à qui pourrais-je demander de l'aide. Et tout le monde m'a dit, demande à Cheikh Ibn Baz. Alors, voici que je t'écris cette lettre afin que tu m'aides. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il donne la lettre à un de ses scribes afin de la transmettre au service d'aide pour les plus démunis et qu'il débloque donc une somme pour cette personne-là. Quelque temps plus tard, il reçoit une autre lettre de la part de ses services qui l'informe que ce cas-là sort de ces cas pour lesquels on débloque des sommes. Alors Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il a dit à son scribe, écris-leur de retirer de ma paye 10 000 riyals et de lui envoyer. Demande-leur de retirer de ma paye 10 000 riyals et de leur envoyer, de lui envoyer. Et c'est comme ça que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a vécu. Pas besoin de son argent. Il avait plusieurs salaires de plusieurs postes différents et pourtant il arrivait à la fin du mois endetté. Il était endetté. Même l'histoire du Soudanais et du cheikh de Mir Riyal. Cheikh Ibn Baz, rahmallah, était connu pour faire des chèques. Il avait des chèques tout faits, tout préparés de Mir Riyal qu'il donnait aux gens dans le besoin. Et une fois, un Soudanais qui est venu le voir, il dit, cheikh, j'ai besoin d'aide. Alors le cheikh, il lui donne le fameux chèque de 1000 riyals. Il y a quoi dans le chèque? La signature de cheikh Ibn Baz, 1-1 et 3-0. Qu'est-ce qu'il fait? 3 points, 3-0, on se comprend. Taïb, qu'est-ce qu'il fait le Soudanais? Il rajoute un 0. Et il le ramène à la banque. Mais la banque, ils connaissent l'habitude de cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Alors il l'appelle. Il dit, cheikh, il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a quelqu'un qui est venu avec un de tes chèques. Et à Zahir, c'est qu'il a rajouté un 0. Qu'est-ce qu'on fait? On te ramène, on appelle la police. Il a dit, donnez-lui 10 000 riyals. Il a dit, donnez-lui 10 000 riyals. Et une autre fois, il y a eu une sorte de remise des prix pour les plus grandes personnalités de le même laka. Et la première fois que cette remise des prix a eu lieu, le premier qui a été élu, c'est Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Et le Malik, al-Malik Fahd, rahimahullah, il lui a donné 1 million de riyals. Comme ça, il y avait une estrade, il est venu l'accompagner, tiens le chèque. Cheikh, il prend le micro, il dit aux gens, cet argent il est à moi? C'est na'am ya Cheikh. Je peux en faire ce que je veux? Ils ont dit na'am ya Cheikh. Il a dit, je vous prends tous à témoin que je donne à toutes les écoles d'apprentissage de Coran de Mamlaka. Il n'a pas gardé 2 secondes. Aussitôt pris, aussitôt donné. Dunia, elle était là, dans le creux de la main. Elle n'était pas là, dans le creux du cœur. Le cœur, il y a quoi dedans? Comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, فَالْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ حُبًّا وَإِخْلَاصًا مَعَ الْإِحْسَانِ. Le cœur, c'est la demeure du Seigneur, qu'il soit exalté, avec amour, sincérité et bienfaisance. Hakada kana samahat al-walid rahmatullahi alayhi. Et wallahi, les histoires, elles sont nombreuses, qui nous montrent à quel point les gens, ils aimaient Cheikh Ibn Baz et pourquoi ils aimaient Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Et parmi les qualités particulières de Cheikh Ibn Baz, c'est sa modestie, sa patience, la crainte qu'il avait d'Allah Azza wa Jal. Quant à sa modestie, il avait compris le hadith du prophète, le hadith où on a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant quelqu'un qui acceptait l'invitation quelle qu'elle soit, même si c'était pour manger des talons d'une bête. Il y a vraiment un endroit où tu n'as pas de viande. Illa qalilan. Toi, si ce n'est pas un bon poulet rôti avec des zitounes, et encore, tu réfléchis à 2 fois. Arrive à manger chez moi avec quoi, chez toi là? Pstela. Ah non, je n'ai pas pstela, c'est tombé. Hein? Il fait le difficile. Là. Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, il a accepté l'invitation de tout le monde. Il y a même un homme, Ibn Bar Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi, il lui a dit, Cheikh, si quelqu'un m'invite dans un endroit où il n'y a aucun mal, aucun munkar, hein, et que j'ai les moyens de répondre à son invitation, est-ce que je dois répondre à l'invitation? Cheikh dit, na'am. Le frère, il repose la même question. Dieu, t'es sûr? Cheikh fait, na'am, réponds à l'invitation. Il fait, khalas, Cheikh, je t'invite à manger avec moi. Alors, Cheikh, il a répondu, il a souri, et il s'est levé, il a dit, bismillah, il est parti avec lui. Peut-être aurais été voir Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Tu as dit, Cheikh, viens, manger des cacahuètes avec moi. Ben, est-ce qu'il veut manger des cacahuètes avec toi? Malgré toutes les occupations qu'il pouvait avoir, et toutes les responsabilités qu'il pouvait avoir, il donnait son haqq à tout le monde. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, quand il était président de l'université de Médine, ça lui arrivait de traverser les couloirs et d'aller visiter les élèves dans la classe et leur demander comment ils allaient, comment les cours ils se passaient, et leur donner des conseils pour étudier la science et pour bien la retenir. Ils se mélangeaient au awam. Ça me fait penser au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laissait la petite fille lui prendre la main et courait avec lui où elle voulait et la laissait. Hein? خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. Il laisse une petite fille lui prendre la main. Imam هذه الأمة سيد الأنبياء. Laisse une petite fille lui prendre la main et elle court avec lui en lui tenant la main et il la laisse. Il aurait pu dire à son père: garde ta fille, je suis occupé, je dois gérer une communauté. Mais non. وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء. Les savants sont les héritiers des prophètes. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما أو دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Les savants n'ont laissé en héritage, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend leur a certes pris une grande part. Et voici les savants al-Rabbaniyin. Comment ils étaient avec les gens qui les entouraient. Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, il patientait, même à l'égard des gens les plus durs et les plus têtus. Cheikh Sadhan nous raconte une fois dans une assise, il y avait un homme qui s'est joint aux étudiants et qui a interrompu Cheikh pendant son cours. Il dit: Cheikh, fais soual. Cheikh Ibn Baz, rahmallah, il a dit: Tfaddal. Il a dit: Cheikh, kunna fi jama'a nusalli al-maghrib wa idh bil imam yaqumu ba'da al-thalitha. Il a dit: on était en groupe, on a fait le maghrib et l'imam, au lieu de faire salam après la troisième raka'a, il s'est levé pour faire une quatrième. Le Cheikh Ibn Baz fait: هل سبحتم له? Vous avez dit subhanallah? Il me dit: واصبر شيخ اصبر ما اتممت السؤال. Cheikh fait: طيب. L'homme avec dureté dit: Cheikh, attends, j'ai pas fini la question. Cheikh dit: d'accord, excuse-moi. Alors il reprend dans le tafsir et Cheikh il lui demande: وهل قمتم او جالستم او بقيتم جالسين? Vous êtes resté, vous vous êtes levé avec lui ou vous êtes resté assis? Il a recommencé: يا شيخ انت مفتي ولا كيف اصبر سبحان الله خليني انت اتم السؤال ما avec une dureté comme ça. Cheikh Sadhan il dit: regardez les élèves, on voulait le sauter dessus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et Cheikh Ibn Baz rahmoullah, après que l'autre il lui crie dessus, il dit: abshir abshir. Alors une troisième fois il recommence sa question et Cheikh Ibn Baz il dit rien, il le laisse finir. Et quand il finit, Cheikh Ibn Baz rahmoullah il dit: هذه القضية تحتاج إلى تأمل. عد بعد ثلاثة أيام كي نبحث في المسألة. Cette question demande réflexion. Reviens après trois jours afin qu'on recherche. Tu veux que je patiente? Ben je patiente. Est-ce qu'il s'est énervé? Est-ce qu'il l'a jeté? Est-ce qu'il lui a répondu avec sévérité? Est-ce qu'il a perdu patience? Là. D'ailleurs, ses proches, ils nous racontaient que Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, le maximum dans la colère qu'il pouvait atteindre, c'était de dire Allah al-Hadi. Quand il disait ça. Ça y est, Cheikh Ibn Baz est en colère. C'est tout. Il ne s'énervait jamais. Ou seulement lorsque les droit d'Allah Azza wa Jalla était bafoué. Du moins, les droits d'Allah Azza wa Jalla était bafoué. C'est très rare d'avoir vu Cheikh Ibn Baz rahimahullah et d'avoir dépassé cette parole Allah al-Hadi. Ou des fois, des gens ils venaient s'énerver contre lui et lui disait quoi? Sabbih, sabbih. Hallil, hallil. lui répondait, dis subhanallah, dis la ilaha illallah, ça va te calmer. Il ne s'énervait pas lui aussi à son tour. Et même plus que cela, mes frères, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était quelqu'un qui pardonnait. Comme on l'a dit, il n'éprouvait aucune rancune envers quiconque. Il n'éprouvait aucune rancune envers quiconque. Et il y a un des élèves de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui était imam dans une mosquée. Dans cette mosquée, il y a un homme qui venait souvent parler avec l'imam et lui parlait en mal de Cheikh Ibn Baz et l'insultait. Cet imam-là, par son amour envers Cheikh Ibn Baz, s'est mis à détester cette personne qui l'insultait. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Cet homme-là mourut. Et lorsqu'il fut amené à la mosquée pour que l'imam prie sur lui, il a refusé de prier sur lui. Il dit, moi je prie pas sur celui qui insulte mon cher. Alors, après cet événement, il avait quelque chose dans la poitrine, il était douteux. Il a été voir Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il lui a raconté l'histoire. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il s'est étonné. Il lui a dit, samahallahu al-jami' dullani ala qabri. سامح الله الجميع دلني على قبره كالله يبغضنا tout le monde montre-moi sa tombe et l'homme il ramène Cheikh Ibn Baz rahimahullah devant la tombe cette personne qui l'insultait et Cheikh Ibn Baz rahimahullah il prie sur lui Et je ne l'aurais pas dit une troisième fois, et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est pris sur lui. Pardonnez à tout le monde. Insulte-le. Parle sur lui en mal. Fais de la médisance. Déteste-le. Et il t'a déjà pardonné. Et toi, tu aurais fait quoi? Tu pardonnes toi, Yahri? Combien de fois j'ai entendu des frères dire « Wallah, je ne pardonnerai pas, on réglera nos comptes devant Allah. » Combien de fois on entend ça dans la bouche des gens? À un point, on a l'impression qu'il va être content quand Allah il va jeter en enfer l'autre. Yahri, comment tu peux éprouver de la joie à savoir que tu peux être la cause pour qu'un musulman ait un enfer? Comment? Subhanallah, pardonne fi hadhihi dunya. T'as oublié ce hadith que tous les talabat l'ilm ils apprennent en premier Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman Irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama. Les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, ceux qui sont dans le ciel vous feront miséricorde. Oula la Rahman les frères, Ruhama ubaynahum. Ils sont miséricordieux les uns envers les autres. Parce que pareil, il y a des frères qui ont été dire après mon dernier cours que j'ai fait ici, ouais, depuis quand les salafis se disent Wallah, shay ajib. Shay'un la yusaddiquhu al-aql. Allez, c'est invraisemblable, c'est incroyable. Tu leur ramènes des versets, tu leur ramènes des hadiths sahih, tu leur ramènes des mawaqif des sahaba radiyallahu anhum, des mawaqif des salaf, des mawaqif des khalaf, et ils te disent depuis quand ils se disent Rahman entre nous. Wallah, tu comprends plus rien. Tu comprends plus rien. On te dit, suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je regarde. Allah dit de lui, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ إِشْ قُولُهَا بِأَعْلَى صَوْتِكُمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Il vous a été venu, il est venu à vous un messager de la, qui venait d'entre vous. Azizun alayhima anittum. Ce qui est difficile pour lui, pour vous, c'est difficile pour lui. Yani, ce que vous avez du mal à faire en tant que musulman, pour lui, c'est dur. C'est dur à surmonter de voir que c'est difficile pour vous. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Harisun alaykum. Il est consciencieux envers vous. Votre bien est son souci. Et il fait son possible pour que vous ne soyez pas dans des situations difficiles. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Envers les croyants, doux et miséricordieux. Et dans un autre verset, Allah il nous dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi, Allah il vous aimera. Donc si tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois être rahim envers les musulmans. Tu dois être rahim envers les musulmans. Et les salafs, ils étaient rahama entre eux. Je crois que c'était Sufyan al-Thawri rahimahullah qui a dit: Istawsu bi ahli sunnati khayra fa innahum aqallu an-nas. Istawsu bi ahli sunnati khayra fa innahum aqallu an-nas. Recommandez-vous mutuellement envers Ahlou Sunna du bien, car ce sont la partie des gens la plus minime, la plus minoritaire. La plus minoritaire. Ça t'en quoi? Depuis quand Salaf fait ses rahmas? Wallah, cher Hajib. Ya akhir gasser, la nubala. Regarde Asadul Rabah. Regarde Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Regarde ses livres, t'es un rajim. Regarde Tazkiratul Hufad. Regarde ces livres où tu as la vie de ces pieux qu'on doit prendre comme modèle. Et dis-moi si l'un d'entre eux ne connaissait pas le Rahman. Eh bien, nous, on n'a même pas besoin d'aller il y a de ça des siècles. Il y a à peine 10 ans, mes frères, cette montagne de qui nous parlons actuellement nous a quittés. Et en nous quittant, elle nous a laissé un héritage immense et de nombreuses leçons. Et parmi les plus importantes de ces leçons, c'est soyez miséricordieux les uns envers les autres. Cheikh rahmatullahi alayh tomba malade quelques années. Faut donc, il y a la police qui tourne, donc ceux qui sont mal garés, qu'ils fassent attention, parce que les prunes tombent. C'est ça? Taïb. Cheikh Ibn Baz rahmatullah, donc, était touché par un cancer de la gorge qui lui provoquait de nombreuses douleurs. Et Cheikh Sadhan nous disait que pendant le cours il arrivait à Cheikh Ibn Baz de s'arrêter de parler. Les frères, avancez-vous, je sais que je répète et que ça peut être lassant, mais faites un effort. Barakallahu fikoum, de toute façon on a fini. Taïb, Cheikh Sadhan nous dit que pendant les cours, certains cours, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il s'arrêtait de parler subitement et il posait sa main comme ça sur sa gorge et il restait silencieux. Même aïe, il ne le disait pas. Cheikh Sadhan nous disait, ça lui rappelait l'imam Ahmed, rahimahullah, qui pendant qu'il agonisait, il gémissait. Et il y a un de ses compagnons qui est venu le visiter et qui lui a dit: « Sami'tu anna tawusan qal anna al-kiram al-katibin yaktubuna hatta anin al-marid fa amsaka ahmadu anil anin. » Ahmed, rahmallah, était en train de gémir sur son lit de mort tellement la douleur était grande. Et un de ses compagnons qui vient le visiter, il lui dit: j'ai entendu que Taous, un pieux prédécesseur, disait que les anges, les scribes, les nobles scribes, inscrivaient même les gémissements du malade. Alors l'imam Ahmad, rahmahullah, il s'est abstenu de gémir jusqu'à ce qu'il ne meure. Et Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, il savait très bien ces histoires. Et il ne gémissait pas. Et jamais il ne s'est plaint de la douleur. Jamais. Il a dit: pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai si mal? Ça, c'est douloureux. Ça me fait souffrir. Là, la patience jusqu'au bout. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et malgré la maladie, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, n'a pas interrompu ses cours, n'a pas interrompu ses visites. Il continuait à répondre au téléphone, il continuait à écouter les informations de par le monde, Il continuait à recevoir les gens et à résoudre leurs problèmes comme il le pouvait. Jusqu'au mois. Jusqu'au mois de Muharram de l'année 1400. Jusqu'à la 27e nuit du mois de Muharram de l'année 1420, Cheikh Ibn Baz rahimahullah a rendu son âme à son créateur et on pria sur lui dans le Masjid al-Haram et plus de 500 000 personnes ont assisté à sa janaza et ils se sont presque battus pour pouvoir porter son corps. Le Malik Fahd rahmatullah alayhi a ordonné à ce qu'on prie sur lui dans le Masjid al-Nabawi, dans toutes les mosquées de la Mamlaka. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné à ce qu'on prie sur lui dans toutes les mosquées de la terre. Isharatan ila shiddati mahabbati an-nas lahu rahimahullah wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jinani. Il y a des gens qui ont rêvé de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi après sa mort. Sachez mes frères que Salaf, ils se racontaient les rêves qu'ils faisaient de leur chouyour lorsqu'ils mouraient et qu'ils les voyaient dans les rêves. Il y a un ami très proche de Cheikh Ibn Baz qui a rêvé après la mort de Cheikh Ibn Baz qu'il était à Riyad et qu'un homme lui a dit que dans telle mosquée à Riyad, tu trouveras le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'est dirigé vers cette mosquée, et il a trouvé 8 personnes, toutes avec des turbans et des barbes. Il dit, je ne savais pas laquelle de ces personnes était le prophète, alayhi salatu wa sallam. Et j'étais tellement effrayé par leur grandeur, que je n'ai pas osé m'approcher. Je me suis dit, c'est pas grave. Quand il y aura l'Iqama, forcément le prophète il va se lever, alayhi salatu wassalam, et il fera la prière. Il y a eu l'Iqama, et voici que la terre se fend, que Cheikh Ibn Baz sort. Et il dit, istawu ya'tajilu, et c'est lui qui fit l'imam. Lorsque le Cheikh il se lève, il ne comprend pas le rêve. Alors il va voir quelqu'un qui interprète les rêves. Et lorsqu'il lui raconte le rêve, il lui dit, ala zahiri. Il dit, il est clair ton rêve. Dieu le prophète, dans ton rêve, alayhi salatu wassalam, c'était la sunnah. Et Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, c'était l'imam. Ça veut dire que Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, c'était imam ou ahli sunnati wal jama'ati fi asrihi, rahmatullahi alayhi. Cheikh Sadhan, il raconte qu'un autre grand élève de Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, il a rêvé qu'il a vu Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, et à son côté, Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz demandait à Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, hal addani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-munafiqin. Comme vous savez, Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, sahib al-sir, c'est lui qui avait la liste des hypocrites que le prophète lui avait confié alayhi salatu wassalam. Et même Omar radiyallahu anhu, il suivait Hudayfa, lui demandait, est-ce que mon nom est dans la liste? Alors, cet homme-là, ce talib ilm, il rêve de Sheikh Ibn Baz avec Hudayfa ibn Yaman. Et Sheikh Ibn Baz qui demande à Hudayfa ibn Yaman, est-ce que le prophète m'a compté parmi les hypocrites? Et Hudayfa a dit, ma addaka rasulullahi minhum. Non, il ne t'a pas compté parmi eux. Et il a répété une deuxième fois, hal addani rasulullahi minhum. Qala la ma addaka minhum. Il a répété une troisième fois, hal addaka rasulullahi minhum. Hal addani rasulullahi minhum. قال ما عدك رسول الله منهم بل عدك رسول الله من الصديقين. Il a dit, après qu'il ait répété trois fois la même chose, non, le prophète ne t'a pas compté parmi les hypocrites, au contraire, il t'a inscrit parmi les véridiques. Et voici que Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu, il sort un livre sur lequel est écrit As-Siddiqun, et il l'ouvre et il trouve Abdel Aziz ibn Abdillah ibn Baz. Et il y a de nombreux rêves que des gens qu'on estime comme étant pieux, Allah sait mieux, ont fait, qui montrent à quel point cet homme-là était particulier. À quel point cet homme-là était particulier et à quel point il avait une place énorme dans le cœur des musulmans et à quel point il a vraiment été Shaykhul Islam fi asrihi, rahimahullah. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم شيخنا سماحة والدنا رحمة واسعة وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفره. اللهم اجزه عنا خير الجزاء وأوفره. اللهم أسكنه في أعلى درجات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نكون من أمثاله. دمنا الله تبارك وتعالى de faire une immense miséricorde à Sheikh Ibn Baz et de lui pardonner ses péchés et de lui élargir sa tombe et de le faire habiter dans les plus hauts degrés du Firdaus. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser notre Sheikh, notre père, rahimahullah, pour tout le bien qu'il a fait à l'islam et aux musulmans, et tous les services qu'il a rendus à la communauté, de la meilleure des récompenses. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'être, ne serait-ce qu'un petit peu comme lui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa barakallahu.